Quand j'étais petit, j'étais trop épris, vraiment tendrement dans les bras de l'amour. J'attendais toujours ce temps de l'amour. Maintenant qu'il m'attend, j'ai trop peu de temps. Trop peu de temps pour tant d'amour perdu, tant d'amour attendu, je veux t'aimer. Tu n'as pas le temps. Et trop de temps à dire des mots, et trop peu de temps pour les vivre vraiment. Tu veux m'aimer, je n'ai pas le temps. Trop de travail, trop peu d'amour, trop rarement, trop peu longtemps, peu de temps pour faire l'amour. Trop peu de temps pour faire l'amour, tant de temps passé à rêver d'un amour qui soit tendresse, jeunesse et richesse. Et trop de temps à travailler pour changer la vie, pour enfin se libérer et vivre ensemble plus souvent qu'avant. Plus souvent et plus longtemps, plus d'amour à chaque jour, plus de temps pour faire l'amour, plus de temps pour rester en amour, plus de temps pour arrêter le temps. Oh.